claque que claque claque claque que claque claque que claque claque que claque que claque claque que claque claque claque que claque claque que claque entends comment ça elle marque nos pieds depuis la première OD du rinté la racaille ambition parce qu'on veut grimper. Teinté de rouge et le sweatshirt sanguinaire et le train de ville. Les MC du rap game, c'est des tricheurs. Combien ont payé le prix cher? Les voleurs ne font pas long feu. J'te donne 1000 E si j'perds. Eux, ils font du prêt pour rien. Chez nous, c'est tout ou rien. T'as pas compris que si on a tous un 93 cousins, on n'épouse pas la pauvreté. On refuse d'être rien. J'en veux peser. Rien à foutre si la police veut nous mettre les bracelets. Je tape pas ta passe, les deux traits. Ok, en zone criminogène, les jeunes sont dans le feu, c'est l'œil que tu me jettes. Donc je dois crever les yeux. Écoute le nouveau Lusty, affranchi d'une zone à ne pas franchir. Violent à la Joe Pesci. Peau de pêche, Hugo Boss ou Versace. C'est chaud d'avoir sur le dos la posture de Versailles. Va te faire en culo, comme ça qu'on fait les pesos au culot. On vient les churer comme Mesrin dans le casino. Shedan est-il un homme d'affaires du bon Dieu? L'index sur la détente, il me chuchote jusqu'elle de chambé. Je te prends la plafonne grâce à la sortie de mon album. Claque que claque, entends comment ça règle Magnum. Shedan est-il un homme d'affaires du bon Dieu? L'index sur la détente, il me chuchote jusqu'elle de chambé. Je te prends la plafonne grâce à la sortie de mon album. Claque que claque, entends comment ça règle Magnum. Claque que claque, claque, claque que claque. Claque que claque, claque. Claque que claque, claque que claque, claque que claque que claque, claque que claque, entends comment sonnerait le Magnum. Claque que claque, claque, claque que claque, claque que claque, claque, claque que claque, claque que claque, claque, claque que claque, claque que claque, entends comment sonnerait le Magnum. Les jaloux dans le game veulent me fumer comme Saddam. Les pianos s'adaptent donc les prolos s'adaptent. Rien qu'on parle de moi comme un gros pieu, j'attire l'attention. Autour de moi trop de bâtards de toute façon. Street club pour niquer mes nuits d'insomnie. Bar chaud comme ce voisin de cellule en mode enculerie. On s'organise en street pour le gros casse en gros cube. De sortie de pause sous la scène sans immatricule. Pour ceux qui connaissent les vrais pas les fâches qui font les voyous de studio pour exciter la jeunesse. On vient en marche gros, on a le mort la vraie dalle. On saute au comptoir et on veut ta caisse normale. Rendez-vous chaud d'art sur une porte de Paris. La rage d'un chien de casse avec la calage d'un tossé. Combien d'amitiés séparées par un calibre? Combien de thés sur une com 5 moteurs pour traverser le rive du détroit de Gibraltar à la frontière espagnole. Les pingouins n'hésitent pas, des fois sur ta bagnole. Faut palper, toujours y croire comme pas parler. Si tu parles fort de tes projets, un agent double apparaît. À ce qui paraît, on dit que le général est dead. Mais c'est moi le flow, c'est moi la vibe. Et c'est vous les grosses merdes. Je te donne 1000 E si j'perds. Shedan est-il un homme d'affaires du bon Dieu? L'index sur la détente, il me chuchote jusqu'elle de chambé. Je te prends la plafonne grâce à la sortie de mon album. Claque que claque, entends comment ça règle Magnum. Shedan est-il un homme d'affaires du bon Dieu? L'index sur la détente, il me chuchote jusqu'elle de chambé. Je te prends la plafonne grâce à la sortie de mon album. Claque que claque, entends comment ça règle Magnum. Claque que claque, claque, claque que claque. Claque que claque, claque. Claque que claque, claque que claque, claque que claque que claque, claque que claque, entends comment sonnerait le Magnum. Claque que claque, claque, claque que claque, claque que claque, claque, claque que claque, claque que claque, claque que claque, claque que claque, entends comment sonnerait le Magnum.